الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi رحمه الله تعالى intitulé آداب المشي إلى الصلاة, dans lequel il a évoqué les règles essentielles de la prière, de la zakat et du jeûne. Nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière, et nous avons vu dans le cours dernier les règles liées aux salutations finales. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé quelques règles liées aux actes et aux paroles légiférées après avoir terminé la prière. Et il a dit, rahimahullah, وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله. Après cela, après avoir fait les salutations finales, l'imam se tournera face aux fidèles, face à ceux qui prient derrière lui, à sa droite ou à sa gauche. C'est-à-dire qu'une fois la prière terminée, après avoir fait les salutations finales, l'imam se mettra face aux fidèles qui prient derrière lui. Et pour ce faire, il se tournera vers la gauche ou vers la droite, et il veillera à ne pas faire toujours la même chose. La preuve à ce sujet est le hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit « Que nul parmi vous ne laisse au diable une part de sa prière, et considère que c'est un devoir pour lui de ne se tourner que vers la droite. J'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fréquemment se tourner vers la gauche. » Et dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que Anas a été interrogé et on lui a posé la question de savoir, lorsque je termine la prière, est-ce que je me tourne vers la droite ou vers la gauche? C'est-à-dire toujours concernant l'imam. Alors Anas, radiyallahu anhu, a répondu, « Quant à moi, la plupart du temps, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tourner vers la gauche. » Donc ici, il traite la question de savoir, lorsque l'imam va se tourner, est-ce qu'il se retourne en s'asseyant à droite de la place où il a prié ou à gauche de la place où il a prié? Et la réponse, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et comme le démontre le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, est qu'il convient de varier, de s'asseoir de temps en temps à droite et de temps en temps à gauche. Et les savants ont dit si l'un des deux côtés est plus confortable pour lui. Il se peut que sur l'un des côtés il a un mur sur lequel s'appuyer ou autre chose semblable. Alors il n'y a pas de gêne qu'il s'assoie fréquemment de ce côté, mais qu'il veille de temps à autre à s'asseoir de l'autre côté afin que l'on ne pense pas que c'est une obligation ou qu'il y a un mérite à s'asseoir systématiquement du même côté après la prière. Ensuite, il dit ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. Et l'imam ne reste pas longtemps assis après les salutations finales en direction de la Qibla. Donc il fait les salutations finales et il va rester un court instant en direction de la Qibla. Mais il ne convient pas qu'il prolonge cette assise. Mais il reste ainsi seulement le temps de prononcer l'istighfar à trois reprises et de dire la formule de dhikr Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et c'est ce que démontre le hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il prononçait les salutations finales il ne restait assis c'est-à-dire en direction de la Qibla que le temps de dire Allahumma anta salam wa minka salam تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Il ne convient donc pas à l'imam de rester longuement assis face à la Qibla, mais il se tourne face aux prières. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَا يَنْصَرِفُ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ. Et le fidèle, celui qui a prié derrière l'imam, ne partira pas avant l'imam. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. En raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis certes votre imam. Donc ne me devancez pas, ni dans l'inclination, ni dans la prosternation, ni dans al-insiraf. Al-insiraf peut être compris de différentes manières. Et le hadith en question est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. D'après Anas, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a un jour prié. Puis lorsqu'il a terminé la prière, il s'est tourné vers eux, il leur a fait face et a prononcé cette parole. Toutefois, à l'insiraf, des gens de science ont dit que ce qui est visé par cela est as-salam, les salutations finales, car il a été mentionné avec l'inclination et la prosternation. Et c'est ainsi que l'a expliqué Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son explication de ce hadith. Et parmi les preuves démontrant que c'est ce sens-là qui est visé, il y a le hadith de Thawban radiyallahu anhu qui a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan » Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam insarafa, lorsqu'il terminait sa prière, c'est-à-dire lorsqu'il faisait les salutations finales, il prononçait l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à trois reprises. Donc, pour résumer sur cette question, il ne convient pas aux fidèles de se lever avant que l'imam ne se soit tourné en direction des fidèles. Mais si la personne a une urgence et qu'elle doit sortir rapidement, alors il n'y a pas de gêne à ce qu'elle se lève directement après les salutations finales et qu'elle parte. Il n'y a pas d'interdiction à cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne une autre question et qui va nous permettre de comprendre une des sagesses pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait un instant en direction de la Qibla avant de se tourner vers les prières. Et il a dit فَإِنْ صَلَّى مَعَهُمْ نِسَى إِنْ صَرَفَ النِّسَى وَثَبَتَ الرِّجَالَ قَلِيلًا لِأَلَّا يُدْرِكُوا مَنْ صَرَفَ مِنْهُنْ. Et s'il y a des femmes qui prient avec eux, les femmes s'en vont et les hommes restent à leur place un instant afin de ne pas rencontrer celles qui seront parties parmi elles. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Salama, radiyallahu anha, qui a dit que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait les salutations finales de sa prière, les femmes se levaient immédiatement après qu'il ait terminé les salutations. Et lui restait un moment à sa place avant de se lever. Un des rapporteurs du hadith a dit « Nous voyons, et Allah sait mieux, qu'il faisait cela afin que les femmes partent avant que les rencontrent ou que les croisent quelqu'un parmi les hommes. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et dans une autre narration rapportée par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, il est rapporté que les femmes, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'elles avaient prononcé les salutations finales de la prière, elles se levaient. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam restait un moment à sa place ainsi que ceux qui avaient prié avec lui parmi les hommes. Puis lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait, les hommes se levaient. Donc on voit ici le noble comportement duquel était paré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, hommes et femmes, qui veillaient à éviter toute mixité entre hommes et femmes étrangers, car ceci est une source de troubles et de tentations. Ces gens-là sont sortis pour prier derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ils font l'effort et font certaines causes pour éviter de se croiser et de se mélanger. Et ce car, ceci est un danger pour la personne et peut être source de nombreux méfaits et de corruption au sein de la société. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit, concernant la sortie des femmes à la prière en groupe, que ceci est permis, bien que leur prière dans leur maison soit meilleure et plus méritoire. La preuve de la permission et le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et dans une autre narration, rapportée par l'imam Abu Daoud et authentifiée par l'imam Al-Albani, rahimahum Allah ta'ala, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'interdisez pas à vos femmes les mosquées et leurs maisons sont meilleures pour elles. » Leurs maisons sont meilleures pour elles, c'est-à-dire que leur prière dans leur maison est plus méritoire. Toutefois, il se peut que dans certaines situations, la femme ressente le besoin de se rendre à la mosquée pour prier, afin de se recueillir davantage, ou autre chose semblable, lui permettant cette sortie. Mais il est nécessaire de souligner que cette sortie a des conditions. Et parmi les conditions de la sortie de la femme à la mosquée, il y a le fait qu'elle sorte sans se parfumer ni s'embellir. Et ceci est une chose très importante à ne pas négliger. La sortie à la mosquée a pour but d'accomplir une prière par laquelle la femme se doit d'espérer se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle doit prendre garde à ne pas faire de cette sortie une cause lui faisant encourir la colère de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Zainab al-Thaqafiyya radiyallahu anha, qui est la femme de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a un jour dit, c'est-à-dire aux femmes, lorsque l'une d'entre vous est présente à la mosquée, alors qu'elle ne touche aucun parfum, qu'elle ne se parfume pas, qu'elle ne s'embellisse pas, qu'elle ne cherche pas à travers cette sortie à la mosquée à s'exhiber, et qu'elle prenne garde à ne pas faire de cette sortie une source de péché et de mauvaises actions, mais qu'elle sorte couverte de son voile légiféré, sans s'être parfumée et sans s'être vêtue de manière à s'exhiber ou à attirer l'attention des regards des hommes étrangers, wallahu al-musta'an. La deuxième condition que les gens de science ont mentionnée, permettant à la femme de se rendre à la mosquée, est qu'elle ne s'y rende qu'avec la permission de son époux. Comme le démontre le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme de l'un d'entre vous lui demande la permission d'aller à la mosquée, alors qu'il ne l'en empêche pas. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Les gens de science ont dit, la mention de la demande de permission ici démontre que la femme n'a à la base pas le droit de sortir sans cette demande de permission. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporte que son père, Omar, radiyallahu anhu, avait une femme qui assistait à la prière de Subh et la prière de l'Isha en groupe à la mosquée. Alors on lui a dit, pourquoi sors-tu alors que tu sais que Omar réprouve cela et qu'il est jaloux? Alors cette dernière répondit, et qu'est-ce qui l'empêche de m'en interdire? C'est comme si elle disait, je ne sors qu'avec sa permission. S'il réprouve cela, pourquoi ne me l'interdit-il pas? Alors, on lui dit, ce qui lui empêche est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. Et ce hadith est rapporté également par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc on voit à travers cela que la base est que la femme demande à son époux la permission avant de sortir pour se rendre à la mosquée. Et s'il en est ainsi, pour se rendre dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir l'adoration la plus importante de notre religion après le tawhid, la prière qui est le pilier de la religion, si cette dernière ne va sortir qu'après avoir demandé la permission de son époux, qu'en est-il des autres sorties de moindre importance? Il ne fait aucun doute qu'elle ne sortira, si ce n'est après que son époux lui ait permis. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous a expliqué les formules de rappel légiférées après la prière et l'a dit. Wa yusannu dhikrullahi wa dua wa l'istighfar aqib as-salah. Et il est recommandé, il fait partie de la sunnah, de faire le rappel d'Allah, de faire du dhikr, d'invoquer et d'implorer le pardon à l'istighfar après la prière. Donc, comme vous le savez, une fois la prière terminée, il est légiféré pour le prieur de rester assis un moment pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, j'attire votre attention concernant la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit qu'il est recommandé de faire des invocations après la prière. Il est à souligner que la base est que ce qui est légiféré est de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala après les salutations finales. Il n'y a pas d'interdiction en soi à invoquer, mais le mieux pour invoquer est de le faire durant la prière, et plus particulièrement avant les salutations finales, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner un point ici, au sujet d'une question qui avait été posée, à savoir est-ce qu'il est permis, pour celui qui ne parle pas arabe, d'invoquer durant sa prosternation ou avant les salutations finales dans sa langue d'origine. Et la réponse à ce sujet est que les gens de science ont dit que la base est que la personne invoque en langue arabe, et plus particulièrement en prononçant les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si celle-ci est incapable d'invoquer en arabe, ou que si elle invoque en arabe, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, alors il n'y a pas de gêne qu'elle prononce ses invocations et qu'elle adresse ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa langue d'origine, que ce soit durant la prosternation ou après le tashahhud, avant les salutations finales, et il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Donc ceci était une petite parenthèse concernant cette question que l'on avait vue dans un cours précédent. Donc l'invocation, c'est à ce moment-là qu'elle est légiférée. Mais après les salutations finales, ce qui est légiféré, c'est le dhikr. Et celui qui invoque après les salutations finales de la prière obligatoire, alors il n'est pas légiféré pour lui de lever les mains. Car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu anhum, qu'il levait les mains pour invoquer après la prière obligatoire. Et c'est pour cela que nombre de gens de science, à l'exemple de l'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, ont stipulé que ceci est une innovation. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, qui ne fait pas partie de notre religion, qui n'a pas été légiféré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors celle-ci est rejetée. Donc celui qui invoquera, il ne va pas lever les mains après les salutations finales de la prière obligatoire. Et le cheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, a même dit qu'invoquer après les salutations finales de la prière obligatoire est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, bien qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas ordonné. Et il n'est pas rapporté de ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'il spécifiait ce moment-là par l'invocation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a certes indiqué les moments durant lesquels il est légiféré d'invoquer durant la prière. Il a dit quant à la prosternation, multipliez durant celle-ci l'invocation, car vous êtes proche d'être exaucé. Et dans l'autre hadith, il a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est la prosternation. Alors multipliez-y les invocations. Et dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a enseigné le tashahhud, il a dit après cela qu'il choisisse parmi les invocations ce qu'il veut, c'est-à-dire avant les salutations finales de la prière. Donc ce qui est légiféré pour la personne est d'invoquer durant sa prière et non pas après sa prière. D'autant plus que dans la prière, tu t'adresses à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu es dans une situation d'adoration particulière. Donc pourquoi repousser l'invocation à après la prière? Une fois que tu as fait les salutations finales et que tu as rompu ce lien particulier entre toi et ton Seigneur qui est durant la prière. Donc ce qui est légiféré après la prière, c'est le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation, quant à elle, est légiférée avant les salutations finales. Comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Puis une fois que vous avez terminé la prière, alors rappelez-vous d'Allah, faites le rappel d'Allah, debout, assis ou couché sur le côté. Et il en est de même concernant la prière surérogatoire. Invoquer après celle-ci est contraire à la sunna, car ceci n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la personne veut invoquer, qu'elle invoque avant les salutations finales et durant ses prosternations, comme on l'a mentionné pour la prière obligatoire. Et ce que je viens de mentionner est le sens résumé et rapproché d'une parole de l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit, il est recommandé de faire le rappel d'Allah, l'invocation et l'istighfar après la prière. Donc on a dit le rappel d'Allah et l'istighfar. Quant à l'invocation, le mieux est de la faire durant la prière et plus particulièrement durant la prosternation et avant les salutations finales. Et comment les afkar sont faits après la prière? Il nous dit, فَيَقُولْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا. Il implore le pardon d'Allah à trois reprises. Et quelqu'un pourrait se dire, pourquoi implore-t-on le pardon d'Allah après avoir prié? Je ne viens pas de faire un péché. Je viens de me tenir debout, de réciter du Coran, de faire des invocations, des inclinations, des prosternations, pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi après avoir terminé, je dis, Astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah? La réponse à ce sujet est une des sagesses qu'ont mentionné les gens de science, et que nul parmi nous ne peut prétendre avoir atteint la perfection dans sa prière. Nous avons tous des manquements. Il se peut que certains ne se soient pas recueillis comme il se doit. Il se peut que certains aient été distraits. Il se peut que certains n'aient pas accompli toutes les choses recommandées durant la prière, et ainsi de suite parmi les manquements qui peuvent se produire durant cette prière. Nul parmi nous ne peut prétendre l'avoir accompli d'une manière parfaite. Donc une fois que tu as terminé cette prière, par laquelle tu espères te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu implores son pardon pour les manquements qui ont pu se produire durant cette prière. Et ceci pousse le serviteur et le mène à l'humilité, et l'éloigne de la vanité, et à ne pas être pris d'orgueil pour les actes qu'il a accomplis. Car certaines personnes pourraient se vanter de certaines actions, et ceci est une erreur. Tu as des manquements dans ces actions, aussi nombreuses soient-elles. Peu importe la manière dont tu t'appliques, peu importe les efforts que tu fais, tu auras toujours des manquements. Et ajoutez à cela que cette prière est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. S'il ne t'avait pas facilité, tu n'aurais pas pu prier, tu n'aurais pas fait partie du nombre des prières. Donc tu lis ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu espères sa récompense, tu crains son châtiment et tu es conscient de tes manquements et de tes faiblesses. Tu implores donc son pardon, subhanahu wa ta'ala, après avoir prié. Et tu suis en cela la sunna du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé sa prière, il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à trois reprises, comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Thauban, radiyallahu anhu. Puis il disait, Allahumma anta as-salam, ô Allah, c'est toi as-salam, wa minka as-salam, et de toi vient as-salam, de toi vient le salut, la préservation de tous les maux. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ensuite il dit, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl, wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah, mukhlisina lahud din, wa law karihal kafirun. Et cette invocation est rapportée par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, également d'après Abdullah ibn Zubayr. Et il est rapporté, d'après le Mourir ibn Shu'ba radiyallahu anhu, une autre invocation qui est de dire « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. » Et cette invocation est rapportée par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Quant à l'explication des termes de ces invocations, j'espère qu'on pourra, à l'avenir, inshallah ta'ala, faire une série de cours durant laquelle nous expliquerons l'ensemble des invocations légiférées durant et après la prière, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين. Ensuite, il prononce le tasbih. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, chacune d'entre elles, 33 fois. ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et ensuite il complète le nombre à 100 en disant cette parole que l'on vient de mentionner. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ceci est ce qui est rapporté par l'imam Muslim رحمه الله تعالى d'après Abu Huraira رضي الله عنه. Dans un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui proclame la pureté d'Allah 33 fois après chaque prière, c'est-à-dire en disant Subhanallah, et qui loue Allah 33 fois, qui dit Alhamdulillah, et qui proclame la grandeur d'Allah 33 fois, qui dit Allahu Akbar 33 fois. Ceci est un nombre de 99, et il complète cela à 100 en disant La ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. S'il dit cela, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont semblables à l'écume de la mer. Donc vous voyez le mérite de ces formules de rappel à prononcer après la prière. Et les gens de science ont souligné l'importance de suivre en cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de compter ses adhkars à l'aide de ses doigts, et non pas à l'aide de la subha, ce collier de perles utilisé par nombre de personnes. Et ce car, ces perles n'étaient pas utilisées du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu anhum. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ses doigts pour compter. De plus, ces doigts, avec lesquels tu comptes, ils témoigneront en ta faveur, au jour de la résurrection. Chaque tasbih, chaque tahmid, chaque takbir que tu prononces et que tu comptes à l'aide de tes doigts témoigneront de cela. Donc ceci n'est pas une chose à négliger. Également, il est mentionné que il y a différentes manières de prononcer le tasbih après la prière. Nous avons vu le hadith concernant le fait de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et de compléter le nombre de 100 avec La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Également, il est légiféré de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ceci est rapporté dans certaines narrations du hadith. Également, il est légiféré de dire 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar, comme cela est rapporté dans certaines narrations du hadith. Et les gens de science ont dit que c'est une bonne chose pour la personne de varier entre ces différentes manières, et plus particulièrement d'opter pour cette manière plus courte lorsque la personne est pressée, par exemple. Il se peut que dans certaines situations, la personne ait certaines occupations qui l'empêchent de se concentrer sur ses adhkars. Alors elle ne les négligera pas, mais toutefois elle pourra les alléger de cette manière et dire seulement 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Et ceci est meilleur que de délaisser les adhkar après la prière. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné une invocation à dire après Salat al-Fajr et Salat al-Maghrib, et qui consiste à dire Allahumma ajirni minan nar à cette reprise. Toutefois, cette invocation est rapportée par l'imam Abu Dawud dans un hadith qui a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. Et parmi les choses légiférées et les formules de rappel à prononcer, après la prière, il y a bien sûr la lecture de Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui la récite après chaque prière, c'est-à-dire chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tant qu'il est encore en vie, qu'il est dans ce bas monde, il ne peut pas entrer au paradis. Mais une fois mort, sa rétribution et sa demeure finale sera le paradis bi'idnillahi ta'ala. Donc veillez à ne pas négliger la récitation de Ayat al-Kursi après chacune de vos prières obligatoires. On rapporte de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qu'une fois qu'il a pris connaissance de ce hadith, il n'a plus jamais délaissé la lecture de Ayat al-Kursi après ses prières obligatoires. Comment pourrait-on la délaisser lorsque l'on entend ce mérite? Celui qui la récite après chacune de ses prières, c'est-à-dire les prières obligatoires, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Cela signifie que la rétribution que tu auras, c'est l'entrée au paradis, simplement en récitant ce court verset après tes prières. Donc ne négligez pas cela, barakallahu fikum. Et également, il est légiféré et recommandé de réciter les sourates protectrices. Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq et Sourate al-Nas. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wal-israr bid-du'a afdal » et « invoquer à voix basse est plus méritoire ». Donc il mentionne cela après avoir mentionné les adhkar. Ce qui pourrait nous laisser comprendre que il est mieux de faire les adhkar à voix basse qu'à voix haute. Toutefois, il est rapporté dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit que l'élévation de la voix pour le dhikr, lorsque les gens terminaient la prière obligatoire, était une chose connue du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas a dit, c'est ainsi que je savais lorsqu'ils avaient terminé, quand je les entendais. C'est-à-dire lorsqu'il entendait les adhkar après la prière, il savait qu'ils avaient terminé la prière. Donc, la sunna concernant ces adhkar est d'élever légèrement la voix. Ne pas lever la voix excessivement, mais ne pas les prononcer à voix basse. Ensuite, il dit, rahimahullah, al-israr bid-du'a est afdal, wa kadha bid-du'a il-ma'thur. Il est meilleur de invoquer à voix basse, et également d'invoquer par les invocations légiférées. Donc on va lire ce passage rapidement, et on va revenir sur chacun des points mentionnés par l'auteur. وَيَكُنُ بِتَأَدُّبٍ وَخُشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ وَرَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ. Et il invoque, en faisant preuve d'une bonne conduite, en faisant preuve d'humilité, d'un cœur présent, avec désir et effroi. Les hadiths, لَا يُسْتَجَابُ الدُّعَى مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ. D'après le hadith, l'invocation d'un cœur distrait n'est pas exaucée. وَيَتَوَصَّلُ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالتَّوْحِيدِ. Et il invoque au moyen des noms, c'est-à-dire des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, et du tawhid. وَيَتَحَرَّ أَوْقَاتَ الْإِجَابَةِ. Et il veille à choisir les moments propices à l'exaucement. وَهِيَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ. Le dernier tiers de la nuit, wa bayna al-adhan wa al-iqama, entre les deux appels, entre l'adhan et l'iqama, wa adbar al-salah al-maktouba, à la fin des prières obligatoires, wa akhir as-sa'a yawm al-jumu'ah, la dernière heure du jour du vendredi, wa yantadhir al-ijaba wa la ya'jal fa yaqul qad da'awtu fa lam yustajab li. Et il attend l'exaucement de son invocation. Et il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». وَلَا يُكْرَحْ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ إِلَّا فِي دُعَاءٍ يُؤَمَّنْ عَلَيْهِ. Et il n'est pas détestable qu'il invoque pour lui-même seulement, sauf lors d'une invocation pour laquelle il y a des gens qui disent « Amin », c'est-à-dire, sauf si c'est une invocation qu'il fait, et que les gens écoutent, dans ce cas-là, comme on va le voir, il invoquera pour l'ensemble des gens. وَيُكْرَحْ رَفْعُ الصَّوْتِ. Et il est détestable d'élever la voix. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici un ensemble de bienséances qu'il convient de respecter lors des invocations. La première chose qu'il a mentionnée est le fait d'invoquer à voix basse et de ne pas élever la voix. Ceci est démontré par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion, c'est-à-dire sans élever la voix. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Et rappelle-toi de ton Seigneur en toi-même, avec humilité, avec crainte, et à mi-voix, c'est-à-dire sans élever la voix. Également, ceci est démontré par le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui a dit, alors que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous avancions dans une vallée, nous prononcions le tahlil et le takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, et nous élevions nos voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Oh vous les gens, certes, vous n'invoquez ni un sourd ni un absent, mais il est certes avec vous, sami'un qarib, il vous entend et il est proche. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses serviteurs de par sa science. Il sait parfaitement ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il les entend, il est sami' subhanahu wa ta'ala, et il est qarib, il est tout proche. Donc, il n'est pas nécessaire à la personne qui invoque d'élever la voix ou de crier. Et fait exception à cela, les moments durant lesquels il est prouvé par la sunna que lever la voix est légiféré, comme durant le pèlerinage pour la talbiya, ou encore le takbir durant les 10 jours de Dhul Hijjah et durant les 2 fêtes, et ainsi de suite parmi ce qui fait exception à cette règle générale. La deuxième chose que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné est que lorsque tu veux invoquer Allah, le mieux pour toi est d'invoquer Allah par une invocation rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu accorder jawami'ul kalim, c'est-à-dire les paroles succinctes. En quelques mots, il dit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il prononce une invocation qui ne contient que quelques mots, mais qui renferme de nombreux sens. Il est donc préférable d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces mots, qui nous sont rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont meilleurs que des invocations que tu prononceras de par toi-même, selon les mots que tu désires. Cela ne signifie pas que c'est interdit. Tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par les termes que tu souhaites tant que ceux-ci ne contiennent aucun mal et qu'ils sont légiférés. Mais le mieux pour toi et le plus profitable est que tu te serves de ces invocations qui nous sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose qu'il a mentionnée est que tu invoques avec humilité et avec un cœur présent. Tu ne dois pas invoquer sans méditer sur les termes que tu prononces, ou prononcer une invocation par habitude, sans même te rendre compte que tu t'adresses au Seigneur de l'univers. Et ça aussi, c'est d'une grande importance. Car comme il est venu dans le hadith mentionné par l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'invocation d'un cœur distrait n'est pas exaucée. Le cœur distrait, c'est quoi? C'est celui qui invoque, il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'est pas concentré sur les mots qu'il est en train de prononcer. Il prononce cette invocation par habitude. « Oh Allah, fais-moi entrer au paradis, préserve-moi de l'enfer, accorde-moi ceci et cela. » Sans réfléchir sur ces mots qu'il est en train de prononcer. Et ceci n'est pas convenable et ne correspond pas au comportement que doit adopter le croyant durant l'invocation. Quatrièmement, il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au moyen de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala. D'après la parole d'Allah, « Walillahil asma'ul husna » Fadu'uhu biha. Et c'est Allah qui détient les plus beaux noms, invoquez-le donc par ceci. Donc lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne chose de l'invoquer par ses noms, en disant Ya Rahim, irhamni, Ya Ghafur, irfirli, ô toi qui fais miséricorde, fais-moi miséricorde, ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi, Ya Razzaq, urzuqni, ô toi le grand pourvoyeur à la subsistance, accorde-moi ma subsistance, et ainsi de suite. Il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un jour entendu un homme dire, alors qu'il invoquait Allah, « Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Ô Allah, je t'invoque par le fait que j'atteste que c'est toi Allah, et qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de toi. Tu es l'unique, As-Samad, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et celui qui n'a pas d'égal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a dit, il a certes invoqué Allah par son nom qui, lorsqu'on lui demande, il donne, et lorsqu'on l'invoque, il exauce. Donc on voit à travers cela la légitimité d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au moyen de ses noms et de ses attributs au moyen du tawhid, du culte que l'on voue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, il convient de choisir les moments propices à l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux l'invoquer à tout moment. Il dit dans son noble livre, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Toutefois, il y a des moments qui sont plus propices à l'invocation. Et parmi ces moments, ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah, le dernier tiers de la nuit. Ce moment où notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, descend au ciel le plus bas, et qu'il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Donc ceci est un moment précieux à ne pas négliger, même si ce n'est que par quelques paroles que tu prononces en étant couché dans ton lit, en te réveillant quelques instants avant le lever de l'aube. Et tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, pour profiter de ce moment précieux qu'il ne convient pas de négliger. Également, il a mentionné entre l'adhan et l'iqama. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que l'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama, puis il a dit « alors invoquez ». Alors invoquez, profitez de ce moment précieux également pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné également à la fin des prières obligatoires. Et on a vu que ce qui est visé par la fin des prières obligatoires, c'est avant les salutations finales. Et il a mentionné également la dernière heure du jour du vendredi. Car il y a, durant le jour du vendredi, une heure durant laquelle aucun serviteur n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans se voir exaucé. Le sixième point lié à l'invocation, et que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, est que lorsque tu invoques, tu multiplies ton invocation. Tu ne te lasses pas d'invoquer Allah. Tu lui demandes la même chose, même 100 fois s'il le faut ou plus, et il n'y a pas de gêne en cela. Et tu ne t'empresses pas de voir l'exaucement de ton invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que le serviteur ne cesse d'être exaucé tant qu'il n'invoque pas en demandant un péché ou la rupture d'un lien de parenté, et tant qu'il ne s'empresse pas. On lui dit alors, ô messager d'Allah, et qu'est-ce que l'empressement ? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils disent « j'ai invoqué, et je ne vois pas qu'on m'a exaucé ». À ce moment-là, il se décourage et délaisse l'invocation. Donc le serviteur, il ne lui convient pas de s'empresser de voir son invocation exaucée. Mais il continue d'invoquer, même s'il doit invoquer pendant plus de 70 années, même s'il doit invoquer durant un siècle. Et il ne fait pas comme le disent certains ignorants, que l'on invoque plus sous prétexte que ses invocations n'auraient pas été exaucées, comme il le prétend. Non, tu invoques. L'invocation est la plus grande arme du croyant. Donc le croyant ne doit pas se lasser d'invoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala et ne pas se presser de voir son invocation exaucée. Enfin, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un autre point, qui est de ne pas spécifier sa propre personne lorsqu'on invoque et que des gens entendent notre invocation et disent « Amin » à celle-ci. Comme c'est le cas, par exemple, lors de l'invocation du Qunut. Il ne convient pas à l'imam d'invoquer seulement pour lui-même, mais il invoquera au pluriel, pour lui et pour ceux qui sont derrière lui. Également, l'imam, le jour du vendredi, s'il fait des invocations, il ne va pas invoquer seulement pour lui-même. Il ne va pas dire « Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde » et ainsi de suite, non. Il invoque pour lui et l'ensemble des fidèles. « Oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, fais-nous miséricorde » et ainsi de suite. C'est cela qu'il convient de faire lorsque on est plusieurs et que des gens disent « Amin » à nos invocations. Et si tu es seul, alors il n'y a aucune gêne à ce que tu invoques pour toi-même. Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours prochain les choses qui sont détestables durant la prière. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.